L'épave par Henri Gréville. Chapitre 1er. Le vent qui soufflait en tempête depuis la veille au soir s'était calmé un instant. Un rayon de soleil jaune et pâle traversa les nuages et fit briller comme de l'étain neuf les toits d'ardoise bleuâtre. Roger ouvrit la fenêtre. La senteur âpre et bien connue du varech poussée sur les plages par les hautes marées le saisit à la gorge. Il l'aspira avec délice en fermant les yeux pendant un instant. Les arbres avaient assez bien résisté. Beaucoup de feuilles brunes jonchaient le sol, mais les hêtres perdent leur feuillage de bonne heure, et les ouragans n'effraient pas les troncs serrés en rangs épais le long des grandes avenues, sur les haies doubles, ni leurs branches enchevêtrées, courbées dès l'enfance, dans la direction la plus fréquente du vent. Roger interrogea le ciel du regard. « Dites donc, monsieur, » lui dit la vieille servante qui venait aussi examiner le temps. « Est-ce que ce n'est pas fini, le sabbat de cette nuit ?»« Je crois plutôt que cela va recommencer, » dit-il. Les grands nuages s'avançaient en masse régulière et lourde comme des escadrons de cavalerie. Leur teinte uniforme, leur bord régulier, annonçaient qu'ils venaient de loin. Ils arrivaient de l'horizon, vite mais sans hâte fébrile, dans toute leur puissance et leur majesté. Le rayon jaunâtre qui glissait entre les nuées venait du second tiers de l'horizon. Le zénith appartenait tout entier à ces cohortes redoutables. La pluie tombait par intervalles, droite et régulière, car le vent ne soufflait plus à la surface de la terre, et de moins accoutumés à ces fausses accalmies eussent cru le danger passé. Roger prêta l'oreille, et le grand fracas des vagues qui déferlait à une lieue de là, sur la plage, lui arriva comme l'écho d'une bataille. Le froissement des galets roulés rappelait les mitrailleuses, et les lourdes vagues, s'écroulant à pic, imitaient les coups de canon. Il écoutait la tête penchée. Soudain, l'ouragan reprit, le vent souffla en foudre, comme disent les marins, les branches des hêtres craquèrent et se rompirent sous cet assaut inattendu. Roger ferma sa fenêtre, descendit l'escalier de granit qui résonnait sous les clous de ses souliers de chasse, et passant devant la servante, se trouva dans le jardin. « Monsieur, est-ce que vous sortez ? Il n'y a pas de bon sens ?» « C'est trop beau, » répondit-il de son ton calme. « Il faut que j'aille voir cela. » Pendant que la vieille dame grommelait et levait les mains au ciel, il était déjà sur la route et marchait résolument à la rencontre de l'ouragan furieux. Le paletot bien boutonné, les mains enfoncées dans ses poches, offrant au vent aussi peu de prise que possible, il fit assez rapidement un quart du chemin, protégé par l'abri des haies de terre battues qui enclosent les pièces de terre et qui faisaient obstacle au vent de la mer. Mais au premier coude de la route, cet abri disparut, et il se trouva en butte à toute la rage de la tempête. Vainement, il voulut résister. Il se trouva soudain acculé contre l'angle du chemin. Baissant la tête, s'adossant au mur, il attendit un moment plus favorable. Bientôt, il put lever les yeux et regarder devant lui. Le soleil brillait parfois, et sa clarté pâle, presque blanche, donnait un singulier aspect maladif aux objets qu'elle éclairait. Les brumes qui passaient en courant dans le ciel empêchaient le plus souvent ces rayons d'arriver jusqu'à la terre, et c'est l'océan seul qui les recevait. Entre les deux hautes collines couronnées de bruyères qui descendaient en pente abrupte dans la vallée jusqu'au rivage, le coin de mer que Roger pouvait apercevoir semblait une vaste coupe pleine d'écume et de reflets métalliques. L'onde affolée au large se brisait en vagues contrariées, formant des bandes immenses qui accouraient frénétiquement à l'assaut d'un rocher noir, le recouvrait et retombait en un bouillonnement laiteux qui se répandait au loin comme une nappe d'huile. Puis, la vague, se reconstituant, prenait de plus en plus d'ampleur et, immense, effrayante, venait battre le galet qui s'écroulait avec fracas sous ses coups épouvantables. Saisi d'un désir irrésistible de contempler de plus près ce spectacle étonnant, Roger rassembla ses forces et se lança en courant sur la route en pente. À mesure qu'il descendait, la violence du vent diminuait, et quand il fut au fond de la vallée, il se trouva dans une zone presque calme. Il ralentit sa course, reprit haleine, secoua ses vêtements et regarda autour de lui.